Chapitre 5 Roubaix. Un soir de janvier 1942, le petit Louis fut transféré de nuit au couvent des Clarisses, où Hélène Van Aldervelt, dite Sœur Rose, la mère supérieure, l'accueillit avec un grand sourire et un énorme paquet de bonbons. L'immense couvent de style néo-gothique, dominant le quartier ouvrier de l'Épeule à Roubaix, formait un quadrilatère fermé autour d'un cloître, dont la chapelle coiffée d'un clocheton marquait l'un des côtés. Au centre de cet ensemble architectural se trouvait une sculpture de saint François d'Assise. L'école Sainte-Claire, qui jouxtait les bâtiments, était rigoureusement tenue par la communauté religieuse des sœurs Clarisses, qui transmettait aux jeunes filles du quartier les valeurs ouvrières chrétiennes et l'esprit de soumission au patronage ecclésiastique, encouragées et financées par les dons des grandes familles d'industriels du textile de Roubaix. Sœur Rose ne pouvait pas intégrer le petit Louis au sein d'une classe de filles de l'école Sainte-Claire. Cela aurait paru incongru, au risque d'être dénoncée auprès de l'évêché par les parents d'élèves. Elle devait absolument le maintenir dans la clandestinité, au cœur du couvent, hors des ragots et de tout bavardage. Louis partageait donc quotidiennement l'austère chambre de sœur Rose, qui, telle une mère de famille aimante, le protégeait et lui transmettait chaque jour toute son affection. Tous les soirs, vers 21 heures, après la dernière prière de la journée appelée les complis, celle-ci se dévouait en lui donnant des leçons particulières jusqu'à la tombée de la nuit, avant que le petit Louis ne plonge dans un profond sommeil. Louis était soumis au rythme de la vie rigoureuse et disciplinée des Clarisses, se levant tous les jours comme elle à 6 heures du matin. Après sa toilette sommaire, dans une bassine d'eau froide, il suivait Sœur Rose qui, dès 6h30, priait dans la chapelle en compagnie des autres religieuses. À 7 heures, Louis écoutait Sœur Victoire qui lisait à haute voix pour toute la communauté réunie des textes des évangiles à méditer durant la journée. À 8 heures, une seconde prière collective ponctuait le début de la matinée. Le moment préféré de Louis était le petit déjeuner assez copieux pris en silence dans le réfectoire dès 8h30. C'était étrange de voir le jeune enfant au milieu d'une rangée de sœurs alignées autour de la longue table de chêne, toutes habillées d'un voile et d'une simple tunique blanche, rompant leur pain et entrechoquant en rythme leurs cuillères dans leur bol de lait chaud. À 9 heures, Louis se dépêchait pour rejoindre Sœur Rose, qui l'initiait au travail de la broderie et à d'autres activités manuelles telles la fabrication d'hosties. C'était pour lui un jeu qui lui permettait de mettre les mains dans la pâte et de la triturer jusqu'à l'étape du moulage dans de petits gabarits de métal avant la cuisson. De temps à autre, Louis en chapardait quelques-unes en les cachant au fond de sa poche pour mieux les déguster en cachette. Ce dernier avait toujours l'impression de manger de l'air ou de manger Dieu, comme il le disait avec ces mots. Telle était son expression favorite et provocatrice, qui ne plaisait pas à Sœur Rose, interprétant cela comme une maladresse dans la bouche d'un enfant de 11 ans, mais qui, chez un adulte, pouvait se résumer à une élocution blasphématoire digne des péchés les plus graves. Dès 11 heures, c'était le retour à la chapelle, pour la messe appelée également Eucharistie, où de nouveau, ouvrant grand la bouche, il ingurgitait une hostie proposée par un vieux prêtre. C'était pour lui des sortes de pâtisseries légères et sans saveur qui venaient remplacer les bêtises de Cambrai, ces confiseries à la menthe que lui offrait habituellement sa maman absente, et qui lui manquaient tant. À 12h30, tout le monde se retrouvait pour le repas, tout en écoutant la lecture du journal. Pour lui, c'était un moment important, qui lui permettait d'avoir des informations sur ce qui se passait à l'extérieur du couvent. C'est à cet instant précis de la journée que le jeune garçon pensait le plus à ses parents, confrontés aux risques et périls de la guerre. Il se demandait ce qu'ils étaient devenus et comment ils vivaient au quotidien. Jusqu'à 17h30, moment des vêpres de la Vierge, ou prière du soir dans la chapelle, il jardinait en compagnie des sœurs qui lui demandaient de planter des graines de courge et autres cucurbitacées, ou de cueillir les tomates qui poussaient le long des murs du couvent. L'enfant pensait alors à ses moments heureux avec sa mère, qui adorait également jardiner sur l'immense terrain en prolongement de leur maison bourgeoise, située dans le quartier de la gare de Tourcoing. C'est donc dans ce contexte religieux, au contact des sœurs Clarisse, que le jeune Louis put recevoir durant quelques mois une seconde éducation, certes moins permissive que celle de ses parents, mais basée sur des valeurs de courage, de simplicité et d'humilité. À Lille, Michel Denecker avait été surpris de recevoir par courrier un Rolls-Royce, ou laissez-passer, de la part de Kurt Kohls, qui lui avait tout de même accordé un unique droit de visite à sa sœur Justine, enfermée dans la prison de Loos. Ce dernier se rendit donc dans ce lieu des plus macabres et austères. Il s'agissait d'un long bâtiment de briques, entouré de murs garnis de fils barbelés et ceinturé d'une dizaine de miradors. Au centre de ce complexe carcéral, une imposante tour de forme hexagonale, coiffée d'un toit en chapeau, dominant ce sinistre ensemble architectural, contenait une multitude de cellules où croupissaient de nombreux résistants, quelques prisonniers de guerre et des condamnés de droit commun. Michel s'approcha de la grande porte principale où deux soldats de la Wehrmacht étaient cantonnés dans une minuscule guérite. Il vint vers eux avec son document en main, et ces derniers lui ouvrirent aussitôt une petite porte latérale où derrière celle-ci se trouvait un troisième soldat qui procéda à une fouille en règle. Il demanda à Michel de venir s'asseoir dans une étroite cellule divisée en deux par une sorte de guichet vitré équipé d'un simple hygiaphone. Il s'agissait de l'unique salle des visites. Le cœur de Michel battait la chamade à l'idée de revoir, certainement pour la dernière fois, sa sœur qui était dans l'attente du verdict de sa condamnation, finalement sans procès. Au bout d'un quart d'heure, il vit une porte s'ouvrir. Justine était là devant lui, physiquement méconnaissable. Elle apparut derrière la vitre, affublée de guenilles trop grandes pour elle, certainement récupérée sur d'autres prisonnières déportées ou exécutées. Elle avait 15 kilos en moins, et son visage était tuméfié par les successions de coups reçus durant les multiples interrogatoires. En voyant Michel, Justine esquissa un sourire en évitant d'ouvrir la bouche pour ne pas lui montrer ses quelques dents cassées par les coups. Elle se mit à pleurer et plaqua ses deux mains contre la vitre du parloir. « Justine, ah, mon cher Michel, je suis surprise de te voir devant moi. Tu es fou de venir à la prison de Loos. Tu prends des risques inconsidérés. Comment as-tu fait ? Ici, personne n'a de visite. C'est même strictement interdit. » Michel, c'est Kurt Kohls qui m'a envoyé par courrier un laissez-passer sous forme de droit de visite officiel, validé par les autorités allemandes. Tu es sûr que ce n'est pas un piège de la part de ce pourri de nazi ? Je n'ai aucune confiance en lui après ce qu'il m'a fait subir avec sa garce du nom de Marie-Gérard Verbrugge, qui est une véritable tortionnaire et non pas une simple secrétaire à la Gestapo. Il paraît que c'est elle qui, au fond de la cour de la Zippo SD, à la Madeleine ou au fort de Bondu, abat de sang-froid avec son Luger P08 certains prisonniers récalcitrants. Fais attention que Kohls ne te fasse pas suivre par ces hommes. C'est un malin et pervers. Il pense certainement que je vais te donner quelques informations que tu transmettras à d'autres personnes de mon réseau. Ainsi, il remontera le fil de mes relations afin de faire arrêter mes amis résistants. Oui, je le sais, je m'en méfie comme de la peste, même si je suis obligé de continuer à jouer avec lui au 421 à la taverne Gaspard. Cela me dégoûte. Il m'a mis le grappin dessus. Il fait du chantage en me menaçant de m'envoyer en Allemagne au service du travail obligatoire, appelé STO, si je ne joue pas avec lui. Justine demanda à Michel des nouvelles de leurs parents et, après quelques secondes de silence, lui fit un geste discret afin qu'il puisse coller son oreille à l'hygiaphone. Comme dans un confessionnal d'église, elle s'approcha et lui murmura quelques dernières indications et recommandations les plus importantes. « Michel, tu vas essayer de contacter Madame Lucienne Delpierre à Tourcoing, la voisine de notre cousine Claire et de son mari Hubert, afin de savoir où se trouve leur fils Louis. Je veux que tu le retrouves et surtout que tu t'occupes de lui. Il faut que tu puisses l'aider au cas où ses parents sont arrêtés dans le sud. » J'aurai ainsi l'impression de ne pas avoir fait tout cela pour rien. De plus, je vais te donner verbalement un message codé que tu transmettras à Lucienne. Elle sait de quoi il s'agit. Il fait également partie de mon réseau de résistance Alliance. Ce message, qui vient signifier la fin de ma mission, sera directement capté par les forces françaises libres à Londres et diffusé par une antenne émettrice mobile appelée STAD, située à Marc-en-Barœul, dans la banlieue de Lille. Ce matériel appartient à mon réseau de résistance Alliance. Les Boches ne l'ont toujours pas localisé avec leur capteur radiogoniométrique. Voici ce que tu dois absolument mémoriser et transmettre à Lucienne Delpierre. La vertu a été prise par le divin marquis, mais elle a tout de même réussi à cuire le pain. Pas de problème, Justine. Je retrouverai au plus vite le petit Louis Delba par l'intermédiaire de Lucienne Delpierre, afin de pouvoir l'aider. Quand ton message, je l'ai bien mémorisé, fais-moi confiance. Je ne peux pas te prendre dans mes bras ni t'embrasser, ma chère sœur, mais le cœur y est. Je ne sais si je te reverrai un jour, mais sois courageuse, ma chère Justine. Sois fière de t'être dévouée corps et âme pour la France. Michel se mit à sangloter, et Justine, stoïque et fière des encouragements et des marques d'affection de son frère, savait, au fond d'elle-même, qu'il s'agissait de la dernière fois qu'elle le voyait. La porte s'ouvrit, et elle fut emmenée manu militari par une gardienne qui, sans ménagement, la prit brutalement par l'épaule. Michel, dévasté par cette visite à la prison de Loos, avait l'impression qu'on venait de lui arracher le cœur ou un membre. Il savait maintenant que Justine était condamnée à la peine capitale. Le pire pour lui était de devoir faire à l'avance le deuil de sa propre sœur, de son vivant. Lui, qui n'avait pas l'habitude de boire, il s'engouffra dans un bistrot du quartier de Vazem et noya sa détresse dans une succession de vers de genièvre qui lui firent oublier momentanément ce tragique instant de déchirement et d'adieu à sa sœur. Fidèle aux promesses qu'il lui avait exprimées, Michel put discrètement se rendre à Tourcoing pour rencontrer Lucienne Delpierre. Elle l'accueillit chez elle, lui prépara un bol de chicorée et demanda des nouvelles de Justine. Michel ne répondit pas, et Lucienne comprit très vite, à l'expression de son visage, la situation des plus tragiques. Elle n'insista pas et nota immédiatement sur un minuscule papier le message que Justine voulait lui transmettre et qui venait clore sa mission au sein du réseau Alliance. Michel demanda aussitôt des nouvelles du petit Louis Delbar, exprimant à Madame Delpierre sa volonté de le rencontrer et de devenir en quelque sorte son tuteur, son parrain. Elle lui donna aussitôt l'adresse des sœurs Clarisse, tout en lui demandant d'être le plus discret possible. Lucienne Delpierre lui ordonna d'attendre quelques jours avant d'aller au couvent, afin qu'elle prévienne de vive voix sœur Rose de sa prochaine visite à Louis et surtout de sa volonté de pouvoir l'aider. Le 8 septembre 1942, Michel avait appris par ses amis cheminots, au sein de son service à la gare de Lille, que plusieurs convois de trains de marchandises avaient été préparés à destination de Malines, en Belgique, puis à Auschwitz, en Pologne. À la vue du nombre de wagons, il comprit très vite qu'une opération de grande ampleur allait être organisée par les nazis dans la région Nord-Pas-de-Calais, avec l'aide de la police française. Il savait que 2 mois auparavant, à Paris, le 16 juillet exactement, une arrestation massive de familles juives avait eu lieu afin de les regrouper au vélodrome d'hiver avant leur déportation par train vers Auschwitz. De plus, une ordonnance allemande, promulguée par le gouvernement de Vichy, imposait depuis quelques mois le port de l'étoile jaune à toute personne d'origine juive, y compris les enfants. Michel avait également remarqué que depuis juin 1942, les descentes de police et les arrestations étaient de plus en plus fréquentes dans la région. Il pensa tout de suite au petit Louis, caché chez les sœurs Clarisse, qui n'était pas à l'abri d'une éventuelle visite de la Gestapo. Il fallait agir au plus vite pour sa sécurité. Le mercredi 9 septembre 1942, Michel décida de se rendre à Roubaix, au couvent des Clarisses, afin de rencontrer sœur Rose et surtout Louis. Il profita de cette journée de repos en pleine semaine pour prendre la première fois le Mont-J. Arrivé sur la grande place de Roubaix vers 11h30, il se dirigea vers le quartier de l'Épeule et demanda à un badaud où se trouvait le couvent des Clarisses. Un ouvrier textile en bleu de travail lui montra de l'index l'édifice religieux qui se dissimulait derrière des rangées de corons et de courets. Michel s'approcha de la porte d'entrée et tira la chaînette d'une petite cloche qui se mit à tinter. Quelques minutes plus tard, une jeune religieuse l'accueillit avec un grand sourire. « Bonjour, mademoiselle. Je veux dire ma sœur. » La religieuse. « Bonjour, monsieur. Qui dois-je annoncer? Vous êtes certainement le nouveau livreur de pommes de terre. » « Non, pas du tout. Je viens simplement rencontrer sœur Hélène Van Aldervelt, qui m'a demandé de passer. Ah, vous voulez parler de sœur Rose? Nous la nommons ainsi car elle a une dévotion illimitée pour sainte Thérèse de Lisieux, qui est son modèle. De plus, son nom d'origine flamande est compliqué à prononcer pour certaines d'entre nous. Oui, c'est cela, et surtout je viens prendre des nouvelles du petit Louis d'Elbar. La religieuse mit aussitôt son index devant sa bouche. Chut, soyez plus discret en ce qui concerne le petit Louis. Suivez-moi. Oui, merci de me le rappeler. Michel suivit la jeune religieuse qui, d'un pas rapide, parcourut avec assurance le long couloir blanchi à la chaux qui menait à la chapelle. Elle fit un petit signe à sœur Rose qui, en pleine prière, quitta aussitôt la messe, emmenant avec elle le jeune Louis. Ce dernier fut plutôt surpris de recevoir de la visite de la part d'un inconnu, particulièrement en pleine semaine. Inquiet, Louis prit fermement la main de sœur Rose et ne la lâcha plus. Celle-ci salua Michel et le fit entrer dans un étroit bureau qui jouxtait la chapelle. Afin de rassurer le jeune enfant, elle le lui présenta immédiatement. « Bonjour, monsieur Denecker. Je vous présente Louis d'Elbar, qui a 11 ans. Il vit au sein de notre communauté depuis quelques semaines. Nous l'hébergeons ici car ses parents sont actuellement en fuite et recherchés par les autorités allemandes. J'ai appris par mon amie Lucienne Delpierre que c'est votre sœur Justine qui les a sauvés en les prévenant juste avant une descente de la Gestapo. Vous savez, Justine a fait un acte héroïque, et malheureusement j'ai appris qu'elle avait été arrêtée. Oui, elle a sauvé la vie d'Edelbar et du jeune homme que j'ai devant moi aujourd'hui, mais elle risque prochainement de perdre la sienne. Oui, Madame Delpierre m'a expliqué la situation dramatique. Quelle tristesse! Elle est actuellement incarcérée à la prison de Loos. Sœur Rose se tourna vers le jeune enfant tout en s'adressant directement à lui. « Tu vois, Louis, c'est la sœur de ce monsieur qui t'a sauvé des griffes de ces méchants Allemands. » Louis demanda naïvement « Pourquoi a-t-elle fait cela ?» Sœur Rose répondit « Justine est tout simplement la cousine de ta maman. Elle est donc ta petite cousine et elle vous aime. » Louis « Oui, je me souviens de l'avoir rencontrée pour la première fois chez nous, à la maison, avant que mes parents ne disparaissent. Je l'ai trouvée très gentille. Maman m'avait dit qu'elle l'appréciait beaucoup. » Michel « Oui, mon petit Louis. Justine m'a également dit qu'elle adorait tes parents. Et en ce qui te concerne, elle ne t'avait pas revue depuis ta naissance. Elle a été stupéfaite par ta franchise, ta grande maturité et ton intelligence. » Louis « Merci, monsieur. C'est très gentil de votre part. » Michel, ne m'appelle pas monsieur, mais tout simplement Michel. Je suis de ta propre famille. Je suis tout de même ton petit cousin. Louis, mais non, vous êtes plus grand que moi. Sœur Rose reprit la parole. Madame Delpierre m'a informé par le biais de son réseau qu'il y avait beaucoup d'arrestations de résistants en ce moment. Elle se demande même pourquoi, après tant de messages diffusés par Radio Londres et adressés aux nombreux partisans dans notre région, bien souvent pour des opérations de parachutage de matériel ou d'hommes, il y a tant d'arrestations. Je ne crois pas à la délation systématique ou la trahison en interne au sein des réseaux de résistance. Les nazis doivent être informés par un autre biais ou d'autres moyens techniques. Michel, c'est bien possible. En ce qui concerne la multiplication de ces descentes de police chez des résistants et surtout des familles juives, je voulais vous informer que les Allemands préparent une opération de grande ampleur les prochains jours. Je le sais car à la gare de Lille, nous avons dû préparer plusieurs convois de wagons de marchandises qui attendent dans nos entrepôts de fives. Ce n'est certainement pas pour de la marchandise. Il y en a trop. Nos collègues ont dû faire la même chose à Paris au mois de juillet dernier, sur ordre du gouvernement de Vichy. Cela s'est soldé par plus de 13 000 arrestations. À partir du Veldiv, ces malheureux ont tous été déportés vers Auschwitz, y compris 4 000 enfants. C'est pour cela, sœur Rose, que je viens vous prévenir. J'ai l'intention d'aider Louis à trouver un lieu plus sûr que votre couvent. Les lieux publics et les institutions religieuses risquent d'être prochainement fouillés. Je suis prêt à prendre des risques pour Louis et devenir en quelque sorte son tuteur légal. C'est une promesse que j'ai faite à Justine lors de ma visite à la prison de Loos. Sœur Rose, c'est tout à votre honneur. Merci de m'avoir prévenu, mon cher Michel, de cette situation des plus urgentes et dramatiques. Vous avez raison. Même si notre communauté est très attachée au petit Louis, que je chéris personnellement comme mon propre fils, il ne peut plus rester ici avec nous. C'est trop risqué. Les religieuses comme nous sont actuellement dans le viseur de la Gestapo de Lille, ou Bruxelles. Les Allemands savent que les monastères et les couvents sont des lieux de refuge, et donc des planques idéales pour les résistants et les personnes recherchées. Louis, très angoissé par ces propos, écouta en silence cette conversation qui le concernait en premier lieu, tout en s'accrochant les mains moites et crispées à la robe de Sœur Rose. « Michel, avez-vous pensé à une solution qui mettra Louis définitivement à l'abri de toute rafle ?»« Sœur Rose, oui, j'y réfléchis toute la nuit. Je pense qu'il faut prendre le risque de le faire transférer de l'autre côté de la frontière, en Belgique. Mes propres parents, Paul et Marie, un couple d'agriculteurs installés à Luynes, que je n'ai malheureusement plus revu depuis le début de la guerre, pourront le cacher dans leur ferme, qui est isolée en pleine campagne. Les connaissant, ils accepteront sans hésitation. Ils ont entièrement confiance en moi, et surtout en notre communauté. Ce sont des personnes formidables qui aiment la justice, et particulièrement les enfants comme Louis. Durant la guerre 14-18, ils en ont recueilli des orphelins. Louis, furieux, lui coupa la parole. « Mais je ne suis pas un orphelin, Sœur Rose. Mes parents sont bien vivants. » « Sœur Rose, oui, Louis, tu as raison. Tes parents sont bien vivants et se cachent quelque part dans le sud. Je te promets que tu les reverras un jour. » Michel reprit la parole. « Cette solution me paraît être la plus judicieuse, Sœur Rose. Même si actuellement c'est très dangereux de passer clandestinement la frontière, surtout avec un enfant. Entre la ligne Maginot, bien gardée maintenant par les Allemands, les patrouilles de la Wehrmacht avec leurs chiens et les douaniers belges qui ne font pas de cadeaux à cause du marché noir, du trafic de tabac, je suis tout de même prêt à accompagner Louis dans cette aventure. Sœur Rose, merci beaucoup pour votre engagement et votre dévouement, mon cher Michel. Vous êtes un homme digne, comme votre sœur Justine. Vous lui faites honneur et elle serait fière de vous à cet instant. » Apaisé par les propos de Sœur Rose, Louis continua à écouter attentivement toute la conversation. Sœur Rose, inquiète par son silence et son profond mutisme, s'adressa à lui afin de le rassurer. « Mon petit Louis, tu sais que je t'aime profondément, comme la Vierge Marie qui a de l'amour pour toute l'humanité. Tu verras qu'à la ferme de mes parents, qui sont des personnes adorables, tu seras mieux qu'ici. Là-bas, tu pourras enfin dormir le matin aussi longtemps que tu en auras envie, bien manger, jouer avec les animaux, courir dans les champs et les bois. Profiter du bon air de la campagne, comme je l'ai fait durant mon enfance auprès d'eux. Tu seras toujours dans mon cœur, et tu pourras un jour revenir me voir quand la guerre sera terminée. C'est même moi qui viendrai te chercher en Belgique, je te le promets. » Louis, de nouveau déchiré par cette prochaine séparation, se mit à sangloter à l'idée de devoir quitter Sœur Rose pour un certain temps. « Michel, au fait, Sœur Rose, vous connaissez un passeur fiable ?» Sœur Rose. « Oui, ce sera Prosper, un ami de toujours, qui procédera à votre transfert en Belgique. Il connaît parfaitement tous les chemins de contrebandier, surtout du côté de Vatrelot. Il ne s'est jamais fait prendre. Il est trop malin et connaît toutes les combines pour tromper la vigilance des douaniers. Prosper a l'habitude de faire passer des réfugiés sans papier. » Michel. « Ah, cela me rassure, car seul, dans cette périlleuse aventure, c'est impossible. Je n'ai jamais fait cela de ma vie. » Je risque d'être arrêté et de rejoindre ma sœur Justine dans les cellules de la prison de Loos. » Michel ne parla pas à Sœur Rose des relations de jeu des plus ambiguës et dangereuses qu'il entretenait avec Kurt Kohls, l'inspecteur de la Gestapo. Sœur Rose, quand voulez-vous organiser ce passage de frontière? Michel, au plus vite, peut-être demain dans la nuit, si c'est possible pour Prosper. Sœur Rose, oui, pourquoi pas, nous allons le contacter cet après-midi. C'est un retraité qui est toujours disponible. Il travaille bénévolement au couvent comme jardinier. Il faut que Prosper puisse prévenir mes parents en Belgique dès ce soir par l'intermédiaire d'un coulonneux de Vatrelot qui enverra un message grâce à un pigeon voyageur. Mon père, Paul, est un colombophile belge très connu. Michel se mit à sourire et répondit avec humour. « Oui, ma sœur, pour autant que je sache, les Boches ne fouillent pas encore les pigeons en plein vol qui se déplacent vers la Belgique. » Cela ne fit pas rire du tout Sœur Rose, qui était trop concentrée dans sa mission première, à savoir faire passer le petit Louis en Belgique sans prendre trop de risques.